Welcome to Oral Comprehension. Phase 1. You will hear a phrase that corresponds to each picture in the series below. Look at the picture and repeat the phrase you hear. 1. Bon appétit. 2. Bonjour, mademoiselle. 3. Elle est malade. 4. Elle va à la fac. 5. Il est pressé. 6. Il n'est pas pressé. 7. Merci. Phase 2. Look at pictures 1 through 7. You will hear phrases identified by the letters A through G. Write the letter of each phrase under the picture to which it corresponds. Example. You hear A. Bon appétit. You write A under picture 1. B. Elle va à la fac. C. Il est pressé. D. Merci. E. Bonjour, mademoiselle. F. Elle est malade. G. Il n'est pas pressé.